Psaume 33. Vous, justes, chantez de joie, à cause de l'Éternel, sa louange est bienséante aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, chantez-lui des psaumes avec la musette, et l'instrument à 10 cordes. Chantez-lui un nouveau cantique, touchez adroitement vos instruments de musique avec un cri de réjouissance. Car la parole de l'Éternel est pure, et toutes ses œuvres sont avec fermeté. Il aime la justice et la droiture, la terre est remplie de la gratuité de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il assemble les eaux de la mer comme en un monceau, il met les abîmes comme dans des celliers. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants de la terre habitable le redoutent. Car il a dit, et ce qu'il a dit a eu son être, il a commandé, et la chose a comparu. L'Éternel dissipe le conseil des nations, il anéantit les desseins des peuples. Mais le conseil de l'Éternel se soutient à toujours, les desseins de son cœur subsistent d'âge en âge. Oh, que bienheureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu, et le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. L'Éternel regarde des cieux, il voit tous les enfants des hommes. Il prend garde du lieu de sa résidence à tous les habitants de la terre. C'est lui qui forme également leur cœur, et qui prend garde à toutes leurs actions. Le roi n'est point sauvé par une grosse armée, et l'homme puissant n'échappe point par sa grande force. Le cheval manque à sauver, et ne délivre point par la grandeur de sa force. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa gratuité, afin qu'il les délivre de la mort, et les entretienne en vie durant la famine. Notre âme s'est confiée en l'Éternel, il est notre aide et notre bouclier. Certainement notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons mis notre assurance en son saint nom. Que ta gratuité soit sur nous, ô Éternel, selon que nous nous sommes confiés en toi.